Stemsi. Homicide. De vie pleine, remplie d'envie et de peine, perturbée, je me harcèle de questions sur la vie que je mène. On rêve tous, mais combien voient leurs rêves qui se réalisent? Réalise, je réalise, y'a bien trop de choses, j'idéalise. J'ai des amis sur qui compter, toujours présents, si y'a Heja et des rageux qu'on voulu croquer. Comme ma plume sans raja, on s'engage à fonder une famille, protéger les siens quand y'a du bif en jeu. Alors ça devient holas, quitter les siens, entouré de profiteurs. De crevards au profil tueur, ma vie passe mal comme une tartine sans confiture. Le matin au réveil, mes premières pensées sont négatives. La pellicule de ma vie est sombre, j'ai perdu le négatif. Anti-suicide, je détruirai pas la création de Dieu. T'as placé un cœur, un stylo, de l'innocence dans les yeux. Attention, je suis en stress comme un pointeur en détention. J'ai trop de tentations car je suis juste un jeune sous tension. Si jeune, déjà abonné aux déceptions. La vie nous taffe au corps à base de désillusions. On en est à penser que le bonheur n'est qu'une illusion. Le monde est fait de vie. Malheur et destruction, on collecte les sanctions comme Materazzi les cartons. L'humain est irrespectueux à l'image de nos matons. Nous formate le crâne, nos pensées sont en détention. Attention, écoutez ta blast, MC sous tension. Sous tension, sous pression, mon avenir me donne des frissons. Je veux pas canner, pas de cancer, je veux pas aller en prison. Les prix sont élevés dans ce système, si jamais tu dérapes. Si t'essaies de prendre de l'avance, mort ou justice te rattrape. Tu crois que l'état s'embête, alors mat, combien de gens s'endettent? Si sa femme veut un yacht, ton patron licencie sans tête. Les soucis s'en mêlent, je collectionne la poisse sous la semelle. Si les flics s'en mêlent, c'est contrôle en série dans la semaine. Ils sont libres ces chiens, depuis Sarko sans muselière. 53% de français complices de bavures policières. Non sans rire, ça fait peur, putain de pays de collabo. J'ai le seum et mon 16 a le goût de Pearl Harbor. Ce qui est relou, c'est que je peux te poser avec le cœur lourd. Je préfère l'amour que l'or, dès lors c'est avec mon cœur que je l'ouvre. Attention, je fais mention, prends ce texte comme une pétition. Addition, jeunes rappeurs, tous des neigeux sous tension. Si jeune, déjà abonné aux déceptions. La vie nous taffe au corps, à base de désillusions. On en est à penser que le bonheur n'est qu'une illusion. Le monde est fait de vices, malheur et destruction. On collecte les sanctions comme Materazzi les cartons. L'humain est irrespectueux à l'image de nos matons. Nous formate le crâne, nos pensées sont en détention. Attention, écoutez ta blast, MC sous tension. Après un spliff matinal, je pose car j'ai des pertes lacrymales. Je déprime mal, l'âme constamment sous tension maximale. L'axe du mal pour moi, c'est Babylone et ses moutons. Ça fait mal de voir qu'on tue en actionnant un bouton. La folie de l'image, fabrique facho et pédophile. Jennifer, Estelle, Marion, chacune pourrait être ma fille. Peur que ça m'arrive, mais obligé, il y aura des gosses dans ma vie. J'espère qu'ils seront forts et considéreront mon avis. Trop de questions dans la tête, j'ai peur de voir et trop de choses. Rien n'est rose, mon gros, dans la vie faut faire trop de choix. Accroche-toi, je sais qu'on peut tous toucher le bout du tunnel. Ma vie est bof, alors je pimpe ma life pour la tuner. Sans tuner, sans CDI, le système met la pression. L'impression de couler provoque colère et déception. Attention, touche pas le fond comme la France aux élections. J'ai fait son afin qu'on soit plus des jeunes sous tension. Si jeune, déjà abonné aux déceptions. La vie nous taffe au corps à base de désillusions. On en est à penser que le bonheur n'est qu'une illusion. Le monde est fait de vices, malheur et destruction. On collecte les sanctions comme Materazzi les cartons. L'humain est irrespectueux à l'image de nos matons. Nous formate le crâne, nos pensées sont en détention. Attention, écoutez ta blast, MC sous tension.